Vous écoutez Futur Simple au CKRL 89.1. Hydro-Québec a commencé à changer ses anciens compteurs électriques pour des compteurs dits intelligents. Peut-être que vous faites partie des gens qui ont vécu ce nouveau changement. Ces compteurs ont pour caractéristique de transmettre des ondes sur la consommation électrique des foyers par le biais d'ondes radio ou de radiofréquences. Bien entendu, beaucoup de gens sont inquiets de l'impact de ces ondes sur la santé. Alors, pour en savoir davantage, Bérangère Capdequi a interviewé Denis Gauvin de l'Institut national de santé publique du Québec. On écoute son reportage. Un rapport est sorti la semaine dernière en France et remet en scène la question bien controversée ici au Québec. Je parle de l'impact des radiofréquences sur la santé. On en a largement parlé à l'occasion de la polémique autour de l'installation de compteurs intelligents. Mais la question est bien sûr beaucoup plus large. Les ondes électromagnétiques sont omniprésentes dans notre quotidien. Pour précision, un champ électromagnétique se caractérise notamment par la fréquence et la longueur d'onde du rayonnement engendré par la propagation de ce champ. Les ondes électromagnétiques de basse et de haute fréquence peuvent agir de différentes manières sur l'organisme humain. La question des risques sur la santé est une question récurrente qui intrigue et qui inquiète peut-être trop ou peut-être pas assez. L'Agence nationale de sécurité sanitaire française publiait donc la semaine dernière un rapport, sorte de compilation des études scientifiques effectuées depuis 2 ans sur le sujet partout dans le monde. Les conclusions sont plutôt rassurantes, elles le sont en tout cas à première vue. Les données relevées, je cite, « ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires avérés, mais font apparaître avec des niveaux de preuves limités différents effets biologiques ». Il faut savoir qu'un effet biologique est une modification de l'organisme sans qu'elle ne soit synonyme de pathologie. Alors pour mieux comprendre la question de l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, nous avons rejoint Denis Gauvin, conseiller scientifique en santé environnementale à l'Institut national de santé publique du Québec. Alors que l'Agence française de sécurité sanitaire publiait un rapport sur la question des ondes électromagnétiques la semaine dernière, M. Gauvin nous fait état des recherches en cours ici au Québec. Au niveau du Québec, en somme toute, c'est quand même assez limité là, de ce qui se passe au niveau recherche même, recherche pure là, concernant les effets potentiels au niveau des radiofréquences. Ce que je peux vous mentionner, c'est que le ministère de la Santé a donné un mandat à l'Institut national de santé publique du Québec pour faire un peu un état de situation, une revue des principales positions des organismes internationaux, encore des principaux organismes qui travaillent au niveau des radiations de type radiofréquence pour savoir bon quel était le positionnement de ces principales organisations-là à travers le monde pour qu'on puisse se faire une tête sur cette question-là. Antérieurement, on s'est à peu près pas prononcé sur la question des radiofréquences, c'est à l'exclusion peut-être des antennes relais, les antennes de téléphonie cellulaire, où l'Institut national de santé publique a déjà produit un état de situation relativement à l'exposition issue de ce type d'infrastructure-là. Mais là, présentement, bon, on a une petite équipe qui fait la recension des différentes données pour qu'on puisse vraiment connaître bon, quels pourraient être les risques à la santé liés à ce type d'exposition-là. Au niveau recherche même, il y a quelques équipes qui vont faire ce type de recherche-là. Il y en a une équipe, entre autres, à McGill, là, il y a Dr. Poliro là, qui a fait certaines recherches là-dessus. Mais somme toute, c'est quand même assez restreint au Québec, les gens qui travaillent sur ce sujet-là. Nous le savons, ces radiofréquences font partie de notre quotidien, mais concrètement, quelles en sont les sources? Monsieur Gauvin nous en dit davantage à ce propos. On est exposé de tous bords, de tous côtés, puis ça date de plusieurs années. Si on parle juste entre autres au niveau des radiations, de la radio et de la télévision, bon, c'est ces gens-là, les gens connaissent assez bien ce type de radiation-là. Mais avec l'explosion de toutes les nouvelles technologies qu'on a juste à penser au niveau du téléphone cellulaire, l'utilisation des routeurs, le Wi-Fi qu'on a à la résidence, puis ça implante de plus en plus bon, de nouvelles technologies là, qui peuvent utiliser les radiofréquences, les téléphones mail libres, etc. Là, ce qui fait que, grosso modo, bon, toute la population est exposée à des niveaux divers là, aux radiations de radiofréquences. Somme toute, la principale exposition, si on regarde l'ensemble des sources, ça va être principalement au niveau des utilisateurs de téléphones cellulaires qui n'ont pas des kits mains libres ou oreillettes, là, du fait que l'antenne va se situer à proximité de leur corps, ben, principalement au niveau de la tête, et à ce moment-là, là, les niveaux d'exposition peuvent être plus élevés pour ce type d'utilisateur-là. Donc, ils vont être dépendants de la durée d'utilisation alors ils peuvent avoir des expositions plus élevées que la moyenne des gens en général. La grande question est bien sûr de savoir en quoi ces ondes pourraient influer sur notre santé. Denis Gauvin nous en dit plus sur ce sujet. Il y a plus de questions que de réponses par rapport aux nouvelles données qui sont issues de la littérature. C'est un gros travail qui a été fait par l'équipe de l'ANSES. Plusieurs recherches, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur l'ensemble de la littérature récente. Là, ce qu'ils ont regardé, c'est principalement les études de 2009 à 2012. Et ils ont regardé, ils font un tri. Il faut qu'il y ait une valeur méthodologique là, sur des études. Il faut que ça respecte certains critères parce que c'est facile de partir sur un jugement biaisé si l'étude n'a pas été bien montée, si les critères de base au niveau méthodologique ne sont pas respectés. À ce moment-là, on pourrait faire dire n'importe quoi là, lié aux radiofréquences. Donc, l'équipe de scientifiques qui s'est penchée sur la littérature ont vraiment regardé ces critères-là pour s'assurer que les recherches avaient été bien réalisées. Donc, ils ont retenu un peu plus que 300 articles scientifiques et ont vérifié, bon, est-ce que oui ou non on était capable de tirer des conclusions sur l'ensemble de cette nouvelle littérature-là. Puis grosso modo, si on parle l'ensemble des systèmes ou des effets au niveau de la santé, qu'on parle au niveau de la fertilité, le système, les effets neurotoxiques, au niveau du comportement, etc. Ce qu'on voit dans l'ensemble, c'est que les données sont insuffisantes pour pouvoir conclure et qu'il va y avoir, malheureusement, il y a besoin de recherche pour pouvoir statuer de façon un peu plus précise sur l'ensemble de ces effets-là. Il y a quelques effets qui ressortent un peu au niveau bon cancérigène. Je pense que l'étude en tant que telle, l'étude Interphone, c'est un apport majeur au niveau scientifique, là, ce qui a été publié concernant les utilisateurs de téléphones cellulaires, où on a regardé bon différents pays qui ont participé à cette enquête-là, et il y avait une observation que sur les grands utilisateurs là, sur une longue période pouvaient avoir une légère augmentation du gliome, cancer du cerveau. Donc il y a ces éléments-là, mais c'est une possibilité d'effet, mais on n'en est pas encore une démonstration claire de causalité liée à la radiofréquence et ce type d'effet-là observé. Donc, on est plus en questionnement qu'en conclusion, en démonstration claire de certains effets. Si on prend par exemple, il y a eu des questionnements, entre autres, au niveau du sommeil. Est-ce que ça peut perturber l'exposition à radiofréquence? Est-ce que ça peut perturber le sommeil? Il y a certaines observations qui ont été faites par des chercheurs. On parle, entre autres, modification de l'électroencéphalogramme où il y a certaines phases du sommeil qui ont été observées dans certaines études. Bon, bien souvent, ces études-là demandent réplication, mais des conclusions qui est difficile à faire aussi. Est-ce que cet effet-là observé va avoir une conséquence au niveau physiologique et va avoir un impact au niveau de la santé de la population? Ça, on n'est pas capable de répondre à ça. Il y a eu d'autres observations aussi, le rapport de l'ANSES en fait mention. On parle de l'ADN. La majorité des études sont négatives sur ça, mais oups, il y a une étude qui ressort où on peut observer un effet au niveau des bris de l'ADN, au niveau des mitochondries. Bon, il y a une étude qui ressort là-dessus, alors que d'autres sont négatives. On peut pas conclure simplement par cette étude-là, donc ça va prendre d'autres recherches. L'Agence de sécurité sanitaire en a profité pour publier un certain nombre de recommandations en appliquant un principe de précaution. Nous avons demandé à M. Gauvin si l'Institut national de santé publique du Québec s'est ajusté. Un des premiers points, c'est l'évaluation de l'exposition. On connaît d'une certaine façon à quoi les gens sont exposés, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Puis l'explosion des nouvelles technologies nous amène à se questionner, bon, de quelle façon cette augmentation des technologies-là va exposer la population générale. Ça, il y a des recommandations qui sont faites à ce sujet-là, qui sont parlées entre autres au niveau des antennes cellulaires. Ils savent même pas trop est-ce que ça va diminuer ou ça va augmenter l'exposition d'ordre général. Il y a eu une augmentation au cours des dernières années. Oui, ça a fait qu'il y a eu une certaine augmentation de l'exposition aux radiofréquences de la population générale. Mais là, en augmentant le nombre d'antennes, on va pouvoir réduire les puissances, donc concrètement au niveau populationnel, peut-être que ça pourrait diminuer cette exposition-là. Ils demanderaient également, l'agence demande entre autres, donc pour les différents types d'appareils qui sont mis sur le marché et qui peuvent émettre des radiofréquences, comme par exemple les bébés Minder, là, pour savoir si votre bébé dort, ils voudraient qu'il y ait obligation d'afficher les intensités maximales sur ce type d'appareil-là, que ce soit cellulaire ou autre type d'appareil. Comme ça, les gens pourraient utiliser, s'ils ont des inquiétudes relativement aux radiofréquences, pour utiliser les appareils qui émettent moins de radiofréquences. Il y a des recherches qui se font également pour essayer justement de réduire cette exposition-là aux radiofréquences. Il y a des recommandations qui vont être faites aussi à la population générale, entre autres pour l'utilisation du téléphone cellulaire. Et ça, Santé Canada, c'est un peu collé sur ces recommandations-là. Du fait bon, que ça représente l'exposition la plus importante au niveau de la population générale, il y a un encouragement à l'utilisation soit des kits main libre pour justement réduire l'exposition ou encore réduire le temps d'utilisation principalement au niveau des enfants pour réduire cette exposition-là. C'est pas une conclusion, le fait que oui, des enfants, il y a une démonstration d'effet au niveau des enfants, mais du fait de certaines inquiétudes et de méconnaissances concernant un potentiel risque au niveau de la santé lié à cette utilisation-là, il y a des méthodes faciles qui peuvent être préconisées pour justement réduire cette exposition-là. Et Santé Canada en fait mention, entre autres, dans certaines brochures qu'ils publient sur leur site Internet. Nous le savons, la recherche scientifique est imprévisible, mais on a quand même envie de se poser la question et de la poser à Denis Gauvin, qui nous en dit plus sur sa vision future de la recherche sur les radiofréquences. Je suis un peu sceptique par rapport à la possibilité, à moins qu'on puisse arriver à en trouver un mécanisme particulier au niveau cellulaire ou au niveau animal. Regardez, j'ai commencé à travailler, moi, au niveau de la santé publique, ça fait un peu plus de 25 ans, puis mon champ d'intérêt, c'était les extrêmes basses fréquences, c'est-à-dire les champs électromagnétiques issus, entre autres, des lignes à haute tension. Il y avait énormément de recherches qui se faisaient à l'époque, là, c'était des années fin des années 80. On espérait beaucoup des études in vitro, des études réalisées chez la cellule, chez l'animal. Il y avait beaucoup d'études épidémiologiques qui étaient faites chez les travailleurs, la population générale, les expositions qui étaient raffinées, etc. Puis on s'attendait à un moment donné à en arriver à une démonstration d'un lien. Après plus de 25 ans, on en est encore à du peut-être qu'il pourrait y avoir un risque, il y a un risque bon, possiblement qui serait faible. Donc, après 25 ans, on n'a toujours pas éclairci cet élément-là. Radiofréquence, ça fait penser un peu à cette problématique-là de difficulté de démonstration d'un lien de causalité, difficulté de démontrer un mécanisme quelconque. Et de plus, les types de fréquences sont tellement variés, ça évolue à une vitesse phénoménale. Les technologies changent, donc ce que vous observez aujourd'hui, les technologies ne seront plus les mêmes dans 3, 4 ou 5 ans, donc ça va être difficile de faire un suivi à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça va être assez difficile de faire une démonstration de ce type d'effet-là. Par contre, bon, du fait de l'ampleur de l'utilisation massive, entre autres, du téléphone cellulaire, on en est rendu à des pourcentages très, très élevés au niveau de la population utilisant ce type d'appareil-là. S'il y avait un lien, je pense qu'on va pouvoir le démontrer, mais est-ce qu'il va être trop tard à ce moment-là? Je suis un peu ambivalent là, par rapport à la perspective de pouvoir... qu'on en arrive un jour à pouvoir faire une démonstration claire de ces effets-là, du fait de mon expérience passée au niveau des extrêmes basses fréquences. Mais c'est sûr qu'il faut continuer la recherche, puis en continuant cette recherche-là, peut-être qu'on va pouvoir apporter éventuellement des réponses un peu plus précises. Eh bien, merci Bérangère et Denis Gauvin de l'INSPQ.